Ceci, monsieur Crevel, est encore un hors-d'œuvre et nous éloigne du sujet. Mais pour en finir là-dessus, si mon fils devient ministre, il vous fait nommer officier de la Légion d'honneur et conseiller de préfecture à Paris. Pour un ancien parfumeur, vous n'aurez pas à vous plaindre. Ah, nous y voici, madame. Je suis un épicier, un boutiquier, un ancien débitant de pâtes d'amande, d'eau de Portugal, d'huile céphalique. On doit me trouver bien honoré d'avoir marié ma fille unique au fils de monsieur le baron Hulot d'Hervy. Ma fille sera baronne. C'est régence, c'est Louis XV, œil de bœuf, c'est très bien. J'aime Célestine comme on aime une fille unique. Je l'aime tant que pour ne lui donner ni frère ni sœur, j'ai accepté tous les inconvénients du veuvage à Paris et dans la force de l'âge, madame. Mais sachez bien que malgré cet amour insensé pour ma fille, je n'entamerai pas ma fortune pour votre fils, dont les dépenses ne me paraissent pas claires à moi, ancien négociant. Monsieur, vous voyez en ce moment même au mystère du commerce, monsieur Popineau, un ancien droguiste de la rue des Lombards. Mon ami, madame, dit le parfumeur retiré, car moi, Célestin Crevel, ancien premier commis du père César Birotteau, j'ai acheté le fonds du dit Birotteau, beau-père de Popineau, lequel Popineau était simple commis dans cet établissement. Et c'est lui qui me le rappelle, car il n'est pas fier, c'est une justice à lui rendre, avec les gens bien posés et qui possèdent 60 000 francs de rente.